Libre-Échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de notre magazine de la santé, Libre-Échange. Libre-Échange qui est un magazine rediffusé sur différentes stations dans lequel bien, nous parlons de la santé, surtout toutes ses coutures si je puis dire. Et aujourd'hui on fait une émission spéciale avec le professeur Henri Joyeux. Bonjour professeur. Bonjour. Alors vous êtes professeur honoraire de la faculté de médecine de Montpellier. Vous avez dirigé de nombreux travaux de recherche, notamment au niveau de la chirurgie sur l'intestin artificiel. Vous avez fait beaucoup. Ma thèse en 1972, c'est exact. Voilà. Et aussi, vous avez fait pas mal de publications, et notamment la publication d'un traité de nutrition artificielle de l'adulte. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai fait un traité de nutrition artificielle de l'adulte. Le tome 1 donne toutes les bases de la nutrition, qu'elle soit la nutrition par voie orale, digestive, ou qu'elle soit par voie artificielle. Donc ce sont les bases, si vous voulez, immuables, qui ne bougeront pas, qui sont hors du temps et qui sont nécessaires à toute personne, si vous voulez, qui se passionne pour la nutrition et qui est un petit peu spécialisée dans le domaine. Alors justement, en parlant de cela, vous êtes auteur de nombreux ouvrages. On verra au fur et à mesure de notre émission, hein, parce que vous nous accordez toute cette émission. Merci professeur déjà, parce que je sais que vous êtes très pris, vous vous donnez des conférences. Il faut aussi que j'explique pourquoi j'écris tant d'ouvrages. C'est parce que j'ai pas droit aux médias. Voilà, c'est-à-dire en dehors de votre média et de quelques-uns qui sont peu nombreux, je peux pas passer sur les grandes télévisions. Vous voyez pourquoi ? Parce que je vais pas dans le sens des publicités de ces grandes chaînes de télé. Voilà, la raison, elle est toute simplement là. Voilà. Voilà, c'est important de le préciser parce que vous êtes très engagé. On va le voir parce que en fait, notamment au niveau de la vaccination. D'ailleurs, moi, j'ai signé votre pétition. Mais vous avez bien compris que je ne suis pas contre la vaccination. Je suis contre les abus, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Absolument, donc, absolument. Ça, il faudra le voir dans le détail. Alors, si on commençait par le début, si je puis dire, professeur, donc parlons aujourd'hui des cancers en général, et on va venir sur les cancers de l'intestin. Donc aujourd'hui, on voit un développement de plus en plus important au niveau des statistiques de cancers. Quels sont pour vous les principaux cancers ? Aucun cancer n'est bon, si je puis dire, mais quels sont... C'est que chaque type de cancer a une évolution qui est évidemment différente. Un cancer de la prostate se développe dans le bas-ventre, dans ce qu'on appelle le pelvis. Un cancer du sein dans les glandes mammaires et malheureusement, il peut partir ailleurs, vers le foie, vers les os, vers le cerveau, vers le poumon. Ça s'appelle des métastases. Et puis vous avez les cancers digestifs du haut en bas, avec l'œsophage, puis l'estomac, et puis vous avez les cancers du pancréas, les cancers du foie et les cancers du côlon. Alors le côlon, on le divise en le côlon droit, le côlon transverse, le côlon gauche et encore le rectum. Donc le cancer peut se localiser un petit peu partout. Ce qui est important à comprendre, c'est que la prévention du cancer, elle est liée d'abord et avant tout à une bonne immunité. Si vous avez une bonne immunité, nous verrons de quelle façon, eh bien vous serez dans le meilleur sens pour éviter tel ou tel cancer, même si vous êtes porteur de tel ou tel gène. Alors justement, on voit que au travers de différentes études que j'ai pu avoir accès, c'est que en fait les défenses immunitaires sont en train de baisser, que ce soit, je veux dire, vis-à-vis des maladies, je veux dire, bénignes, mais aussi vis-à-vis, par exemple, des allergies, vis-à-vis des cancers. Qu'en est-il ? Quelle est votre opinion là-dessus, professeur ? Tout à fait. Si vous voulez, on connaît bien l'immunité depuis, malheureusement, mais c'est comme ça en médecine, qu'on a connu le sida. Parce que sida, je vous rappelle que ça veut dire syndrome d'immunodépression acquise. À l'envers, ça fait l'acquisition d'une dépression immunitaire. Bon, qu'est-ce que c'est ? Et c'est important de le faire comprendre à nos auditeurs, c'est un tout petit virus qui est vraiment extrêmement petit, pour un microscope très puissant pour le voir, eh bien il est capable de détruire votre système immunitaire. Alors ça veut dire quoi ? Eh bien il détruit vos défenses immunitaires. Ça veut dire que vous êtes à la merci, d'une part, des germes qui sont extrêmement nombreux dans votre tube digestif et qui sont en général en équilibre. Ce sont des colonies de germes et qui constituent ce qu'on appelle la flore intestinale. Et cette flore intestinale, en équilibre, c'est l'équilibre entre des colibacilles, des entérocoques, des staphylocoques, bon, peu importe, des germes extrêmement nombreux qui, si je les réunissais tous ensemble dans ma main, devraient peser, je dirais, au cours d'une centaine de grammes, si vous voulez, un peu plus, un peu moins. Bon, donc, pour un corps qui va peser 70 kilos, il est certain que le système immunitaire est d'une puissance inouïe et qu'il est fait, ce système immunitaire, pour me protéger. Nous ne sommes pas faits pour la maladie. Nous ne sommes pas faits pour être hospitalisés, opérés, radiothérapés, cancéreux, avoir des maladies auto-immunes. Mais pourquoi avons-nous tant et tant de maladies? Parce que notre système immunitaire est détérioré. Et la détérioration la plus importante que nous ayons connue, donc qui aujourd'hui tue moins qu'elle ne tuait au départ, je vous rappelle qu'en 1982 à peu près, quand le sida est arrivé, ben, il y avait des personnes qui mouraient tous les jours en France, dans l'Europe, dans le monde entier, de cette épouvantable maladie. Aujourd'hui, nous avons des traitements qui permettent de quoi faire, de stimuler l'immunité. Voyez, attention, on ne guérit pas du sida, mais on est obligé de prendre beaucoup de comprimés pour tenir l'immunité, je dirais, en laisse, pour qu'elle soit suffisante pour éviter d'être envahie par les germes. Pourquoi? Parce que les gens qui mouraient du sida ou qui meurent encore du sida aujourd'hui, ce sont des personnes qui ont une immunité tellement basse qu'elles sont envahies par les germes, lesquels germes vont dans les poumons, vont dans les méninges, vont dans le cerveau, vont un peu partout et créent des infections extrêmement graves, alors quand c'est au foie, quand c'est au poumon, ou n'importe où dans le corps, à ce moment-là, c'est une dénutrition, la personne ne va pas pouvoir s'alimenter, va être fatiguée et va mourir dans un état de cachexie, de dénutrition majeure. Donc, quand on a bien compris ce que c'est que l'immunité, on se dit, mais attention, mon immunité, c'est un, de ne pas attraper le virus du sida dont nous venons de parler, bien évidemment, mais c'est aussi d'avoir une immunité suffisamment solide si d'autres virus m'atteignent, qu'il y a des virus de la grippe que vous connaissez comme moi, il y a certains virus du cancer, eh bien, si ces autres virus m'atteignent, il faut que j'ai une bonne immunité pour que l'immunité les foute dehors, c'est-à-dire les empêche de se repliquer, de se multiplier dans les cellules où ils se situent. Alors justement, professeur, vous parlez de défense immunitaire, mais aujourd'hui, on a de plus en plus de patients qui font appel à leurs médecins généralistes, qui font eux appel au niveau des traitements à des antibiotiques. On voit aujourd'hui un développement, même une résistance qui se fait vis-à-vis des antibiotiques. Mais justement, est-ce que au niveau des patients, justement, il n'y a pas une rééducation à faire? Parce que ça altère justement les défenses immunitaires, je pense. Alors, vous avez raison, il y a une baisse quand même de la consommation des antibiotiques. Il y a eu une prise de conscience. L'État s'est rendu compte par des enquêtes qu'il y avait des abus thérapeutiques et qu'on n'a pas besoin de prendre un antibiotique quand on a une petite grippe. On a besoin de laisser passer la grippe et de prendre un bon grog avec quelques gouttes de rhum pour un adolescent et un peu plus pour un adulte avec du citron, de l'eau chaude. Bon, donc il y a eu des abus avec les antibiotiques, mais on n'a pas suffisamment expliqué comment ils fonctionnent. Un antibiotique est destiné à cibler un germe. Alors imaginons que ce germe, c'est un colibacille. Donc c'est un antibiotique qui va vous fusiller les colibacilles qui sont naturellement présents dans votre corps, mais qui peuvent être présents en excès. Bon, alors quand ils sont présents en excès, au lieu de réduire la quantité d'une façon, de telle façon qu'il en reste pour faire un équilibre, eh bien, on les réduit tous, mais à ce moment-là, quand les colibacilles ne sont pas là, c'est des staphylocoques qui se développent. Les entérocoques, c'est d'autres types de germes. Donc, il y a un déséquilibre dans les colonies. Et ces déséquilibres dans les colonies déséquilibrent ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et à partir de ce moment-là, vous avez des problèmes digestifs, de ballonnement, de diarrhée ou inversement. Et à ce moment-là, votre immunité régresse. Vous êtes fatigué, plus ou moins sans vous en rendre compte, parce qu'aujourd'hui, on voit des gens qui sont en permanence fatigués. Ils ont des troubles digestifs en permanence. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, à peine ils ont un petit peu de fièvre, ils prennent un antibiotique, ou alors ils vont prendre un complément alimentaire, un complément sous forme de ce qu'on appelle les ferments lactiques, mais ces ferments lactiques, il faut les donner à bon escient. Il ne faut pas les donner de telle façon que ça vous déséquilibre dans l'autre sens. C'est assez complexe et ça demande que les médecins ou les personnes qui prescrivent, parce qu'il n'y a pas que des médecins, puissent le faire d'une manière qui soit rigoureuse et véritablement scientifique. Oui, et puis d'un autre côté aussi une certaine éducation ou rééducation, si je peux dire, au niveau du patient, parce que bien souvent le patient, lui, a des attentes. Aujourd'hui, on voit avec les accès informatiques, notamment Internet, avant d'arriver chez le médecin, il dit, voilà docteur, il fait son diagnostic lui-même, il fait son odométrique, dans certains cas, ça va jusque-là, où il demande le médecin. Donc, au médecin... Ça, vous voyez, vous avez raison, mais moi je ne suis pas opposé à ça, parce que, un, vous ne pouvez pas empêcher un patient d'aller regarder sur Internet. Bon. Deux, c'est vrai qu'il n'a pas le discernement nécessaire oui. pour peut-être savoir ça c'est bon, ça c'est pas bon, là on m'exploite et là c'est vrai, ça m'est vraiment utile. Bon, mais je ne suis pas contre que le médecin puisse avoir un dialogue avec le patient en lui disant, mais voyez, ça que vous avez trouvé c'est nul, on est en train de vous exploiter et ça c'est la vérité. Mais ça exige du médecin qu'il ait davantage de temps pour sa consultation. Et oui. Le problème des consultations des médecins aujourd'hui, bon, moi, je le vois, quand je vois un patient, parfois, il me faut une heure de consultation. Vous me direz que je vois des dossiers difficiles, hein. Je vois des dossiers de cancer, c'est pas des dossiers de petite grippe au passage. Bon, mais ça exige quand même que le médecin prenne son temps. Or, le problème, c'est qu'avec 23 ou 25 euros la consultation, comment voulez-vous que le médecin s'en sorte? Sinon, en ayant une multiplication de patients qui se succèdent pratiquement tous les quarts d'heure, à 23 ou 25 euros, donc il faut en voir 40 dans la journée pour arriver à vivre d'une manière décente. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un médecin qui s'installe, il a intérêt à être marié à une infirmière, parce que pendant un an ou deux, c'est l'infirmière qui fait tourner la soupe, si vous voulez, voyez. Pas tourner la soupe au sens de on tourne la soupe, mais qui amène l'argent de la famille. Oui, bien sûr. Du temps pour faire une clientèle, vous voyez. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, les médecins ne sont pas respectés. L'État veut faire des économies. Au lieu de faire des économies sur les médecins, il faut faire des économies sur les abus médicamenteux. Seulement l'État préfère sucrer les laboratoires pharmaceutiques qui leur disent « Ah mais si on ne prescrit pas les médicaments, on va avoir des gens au chômage » plutôt que de faire une véritable médecine de qualité de telle façon que le médecin prenne vraiment son temps pour écouter le malade, l'examiner et puisse lui donner un diagnostic et un traitement quand c'est vraiment nécessaire. Oui, mais vous parlez des laboratoires, professeur, mais je me permets de soulever une chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de laboratoires qui partent dans les pays de l'Est, notamment, où les coûts sont moins élevés, et même aujourd'hui, on a des médicaments qui viennent de Chine. J'étais interrogé parce qu'il y avait eu des pépins avec des vaccins en Algérie et je me suis rendu compte après une enquête assez rapide que les vaccins ils venaient tout simplement du Bangladesh et que probablement c'était pas des choses tout à fait correctement fabriquées. Vous voyez, bon, d'autre part, il faut savoir aussi une chose que quand un médicament est utilisé dans une indication, hein, eh bien, l'objectif du laboratoire c'est d'élargir l'indication. Si l'indication par exemple est que ce médicament est utile pour un problème auto rhino-laryngologique, hein, la zone ORL, oui. Si on peut arriver à dire qu'il est utile pour un problème cardiaque, rhumatismal ou de toute autre pathologie, vous élargissez l'indication et ainsi, ben, votre médicament, vous allez en vendre davantage. C'est ce qui se passe avec les nouveaux médicaments qui sont en train d'arriver, qui sont des médicaments extrêmement coûteux, qu'on utilise tant pour le tube digestif que pour les rhumatismes ou des maladies auto-immunes. Oui, mais après, on arrive comme des affaires, comme le Mediator et d'autres, exactement. J'en passerai. On arrive à avoir des pépins. C'est pour ça que je pense que nous allons aller vers, je dirais, la demande d'un principe de précaution, parce que vous savez que le principe de précaution est rentré dans notre Constitution, mais c'est un principe de précaution qui est centré sur l'environnement. Alors moi je suis tout à fait favorable à un principe de précaution pour l'environnement, mais l'environnement c'est celui que nous respirons, c'est celui qui nous touche. Or vous avez un principe de précaution qu'il faut imaginer et qu'il faut faire rentrer dans la Constitution qui toucherait au problème de la santé, c'est-à-dire à la matière médicale et à la santé. Si nous avions eu un principe de précaution, on n'aurait pas eu le problème du Mediator, de la thalidomide et de bien d'autres médicaments. Eh oui. Eh oui. Et aujourd'hui, on voit, il y a de plus en plus de médicaments. Vous voyez, vous parlez de l'évolution, notamment les évolutions technologiques, professeur, avec les médicaments, notamment les nanoparticules, qui sont quand même très controversés. Prudence avec tout ça. Pour l'instant, on est en train de nous parler de l'intelligence artificielle et de tous ces domaines-là. Vous savez, soyez d'une extrême prudence. Je pense que la clé de la prévention des maladies, j'y reviens un petit peu, c'est une bonne immunité. Et une bonne immunité, c'est bien respirer, bien manger, bien dormir, bien évacuer, bien sélectionner les urines et les matières. Vous voyez, ce sont des choses qui sont d'une grande simplicité et le grand public s'attache de plus en plus à cette compréhension. Et personnellement, je fais tout ce que je peux pour faire passer ces messages, qui sont des économies pour la sécurité sociale, pour l'assurance maladie. Oui, effectivement, vous donnez pas mal de conférences. J'ai pu aller sur votre site et j'ai vu, vous faites notamment les conférences sur le thème la prévention des maladies de civilisation par l'alimentation. Mangez mieux et bio pour votre santé. L'agriculteur, premier acteur de votre santé, faut-il manger bio ? Tout ça, ce sont des thèmes sur lesquels le grand public est extrêmement sensible et c'est une véritable économie pour l'assurance maladie. Je donne prochainement encore une conférence avec Pierre Rabhi sur le thème de soigner la terre, c'est soigner l'homme. Si on soigne la terre et qu'on vous donne un produit avec des pesticides qui vous escadent votre santé, on vous envoie à l'hôpital. À l'inverse, avec une agriculture de qualité, des nappes phréatiques correctes, eh bien, vous serez en bonne santé. Et donc, je dis, en résumant, que je préfère envoyer les gens au resto qu'à l'hosto. Effectivement. D'ailleurs, vous allez au mois de mai donner des conférences. Je vais les citer pour nos éditrices et nos auditeurs. D'ailleurs, votre site internet sur lequel on retrouve toutes ces informations, c'est www.professeur-joyeux.com. Donc, je répète, professeur-joyeux.com. Et notamment, là, au mois de mai, vous avez une conférence que vous donnez conjointement avec le professeur Bernard Fourtier. À Poitiers, oui, c'est une excellente, une grosse conférence que nous donnons tous les deux, parce que le professeur Jean-Bernard Potillon, c'est lui qui a découvert justement la régulation de la veille du sommeil, l'hormone du sommeil, et nous allons faire le point là-dessus avec tous les gens qui nous demandent énormément, nous recevons beaucoup de mails sur ces sujets. Oui, voilà, nutrition et prévention, maladies dégénératives. Également, vous allez donner une conférence sur connaître et développer ses défenses immunitaires pour prévenir les maladies auto-immunes et cancers. Oui, c'est à la frontière avec la Suisse, je crois, c'est du côté de Ville-le-Grand. C'est bien ça. Donc, les 19, 20 et 21 mai. C'est bien cela. Alors justement, moi je voudrais revenir vous parler de la nutrition, professeur, parce qu'aujourd'hui on voit, on va en venir un petit peu après, mais en parlant justement de vos ouvrages que moi je recommande, j'ai pas pu lire tous vos ouvrages, oui, qui sont nombreux, parce que... Vous savez, ce qu'il faut, c'est lire ce qui intéresse la personne. Par exemple, celui qui est intéressé par les produits de la ruche, et c'est vrai que dans ces produits de la ruche, il y a des choses merveilleuses. Absolument. Il y en a d'autres qui sont des amoureux du chocolat, et moi je suis pas pour être en addiction avec le chocolat. Bon, donc je prépare un livre, vous voyez, prochainement sur l'olivier et la santé, parce que dans les produits que nous donne l'olivier, il y a des choses absolument fantastiques. Voilà. Alors, pour revenir un petit peu, parce que vous parlez des maladies auto-immunes, mais également, vous allez intervenir, là, on parlait sur les maladies dégénératives. Aujourd'hui, on voit que dans l'état actuel des sciences, sur les maladies dégénératives, Alzheimer, Parkinson, on n'a, pour ainsi dire, aucun traitement efficace. Et dans l'état actuel des choses, il est évalué en 2050 que 60% des personnes de plus de 60 ans risquent de contracter une maladie dégénérative. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui attrapent des personnes qui de plus en plus jeunes. Alors justement, pour vous, quelle est votre position par rapport à ces maladies dégénératives, professeur ? Vous avez la génétique. Mais la génétique, c'est peut-être 0,1% de la population qui peut atteindre de ces maladies-là. Vous avez des gènes qu'on a commencé à reconnaître chez des personnes qui font des Alzheimer ou des Parkinson précoces. Bon, mais ça, c'est exceptionnel. Mais je pense que dans l'avenir, on aura des éléments pour arriver à véritablement traiter ces gens. On commence déjà à avoir des éléments qui sont en particulier des éléments nutritionnels. Pourquoi ? Parce que, comme vous l'avez dit, ces maladies neurodégénératives, ce sont des maladies qui sont liées à un vieillissement précoce. qu'on fasse un Alzheimer à 90 ans, je le souhaite pas personnellement, mais je dirais c'est moins grave qu'un examen d'un Alzheimer à 50 ans. Bon, aujourd'hui, les traitements, il y a 4 traitements contre l'Alzheimer, ils sont même remboursés par la Sécurité sociale, et la précédente ministre de la Santé, Madame Marisol Touraine, avait dit, à juste raison, pour une fois, elle disait pas une connerie, ils ne servent à rien, donc arrêtons de les rembourser. Bon, seulement, les associations alzheimérienne ou parkinsonienne ont hurlé de douleur. Pourquoi ? Parce que les laboratoires les ont tapé à la porte en disant « Si on rembourse plus ces médicaments, ben vous, les associations, on vous finance plus. On vous finance plus, c'est plus possible. Oui. On n'a pas le pognon pour vous financer. » Parce que c'est les labos qui financent ces associations-là, vous comprenez ? Oui. Donc, il y a un certain nombre de personnes, il faut être clair là-dessus, qui ont des intérêts à la multiplication de ces maladies. Alors, pour revenir sur le sujet des maladies neurogénératives, moi, ce que je crois, c'est que la première des choses à faire, et j'y reviens sans cesse, c'est d'avoir une immunité de qualité, c'est-à-dire des défenses immunitaires qui font que quand je vais m'alimenter, quand je vais respirer, quand je vais faire du sport, quand je vais dormir, etc., je vais protéger mes cellules nerveuses. Et je ne vais pas les irriter, parce que déjà, dans une journée, quand vous avez les soucis du travail, de la famille, de ceci, de cela, on en a tous des soucis. Bon, vous oxydez vos neurones, vous les fatiguez. Bon, or ce qu'il faut, c'est que le sommeil soit réparateur. Et c'est là la grande découverte de mon collègue, le professeur Fourtillon, c'est que le médicament qui ne sera pas même pas un médicament, mais la substitution que nous allons apporter avec l'hormone du sommeil va permettre d'avoir un sommeil réparateur et va permettre ainsi, si vous voulez, de protéger les neurones. Parce que pourquoi y a-t-il Alzheimer et Parkinson ? Parce que les neurones ne sont pas protégés par l'alimentation, ne sont pas protégés par l'environnement et la respiration, et ne sont pas protégés par un mode de vie qui est extrêmement stressant. Voyez ? Alors justement, professeur, parce que dans la vie actuelle, on voit les personnes aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui sont dans la vie active, de plus en plus de couples sont obligés de travailler à deux pour pouvoir subvenir ce que vous disiez à juste titre. Et oui, et ça termine en burn-out, le stress, avec toutes les conséquences derrière. Alors, justement, est-ce qu'on ne peut pas inverser cette spirale, tourner vers une spirale négative, positive ? C'est un sujet majeur, et j'ai abordé ce sujet pour ceux qui sont intéressés dans un livre qui s'appelle « Lutter contre le stress, un remède anti-cancer ». Vous voyez, lutter, je redis, lutter contre le stress, un remède anti-cancer. Ça veut dire que si vous ne pouvez pas lutter contre le stress, si vous ne savez pas le reconnaître, si vous ne savez pas le comprendre. Bon, si vous avez votre voiture dans laquelle vous ne mettez pas d'essence, si vous n'avez pas appris qu'il faut mettre de l'essence dans la bagnole, elle ne va pas avancer. Bon, et le garagiste, lui, il en sait beaucoup plus que vous s'il y a un problème. Bon, eh bien, c'est la même chose pour nous. Nous avons un capital santé. Or, ce capital santé, nous avons des émissions de télé qui racontent des bêtises et qui ne donnent pas des explications aux gens pour mieux gérer leur capital santé. Et dans le capital santé, il y a mes émotions, mes affections, mes stress, mes angoisses, mes peurs, mes pleurs, tout cela. Alors, je ne suis pas pour donner des pilules pour que tout le monde ait le moral et la pêche, mais ça veut dire que nous avons tous la possibilité, avec notre corps, avec notre esprit, avec notre cœur, avec notre affectivité, et même avec notre spiritualité, parce que l'athéisme, pour celui qui ne croit en rien, pour moi, c'est une forme de spiritualité, nous avons la possibilité de gérer, si vous voulez, d'apaiser. Voyez. Or, le problème, c'est que nous prenons les coups sans pouvoir les gérer. Voilà. On en prend en permanence des catastrophes. Alors, on ne sait pas si c'est une fake news ou une vraie news, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, eh ben, on vit dans le stress, dans l'angoisse. Et ça commence de plus en plus tôt. Regardez les enfants. Ils voient leurs parents qui se séparent. Ils n'y comprennent rien. Ils disent, mais papa et maman, on m'a dit qu'ils s'étaient mariés parce qu'ils s'aimaient. Et maintenant, ils se tapent dessus. Alors, le gosse, c'est le chaos dans sa tête. Bon, quand vous avez le chaos chez un enfant qui a 5 ans, qui a 6 ans, qui a 10 ans, qu'est-ce que vous voulez que ça crée ? Ben, ça crée automatiquement, pas immédiatement, un cancer, mais ça crée déjà des défenses immunitaires qui ne sont pas bonnes. Et cet enfant est stressé, va manger n'importe quoi. Bon, cet enfant stressé va être obligé, si vous voulez, de gérer quelque chose qu'il n'est pas capable de gérer. Alors, on va aller chez le psychiatre, on va lui donner un médicament, on va essayer de l'apaiser. Enfin, vous voyez le cercle vicieux dans lequel on rentre ? Oui, effectivement. C'est une spirale négative dans laquelle on rentre. La spirale, tout à fait. Et c'est ça, c'est cela que, en tant qu'homme de santé, j'ai parfaitement analysé. Je vois ça de très très près parce que je consulte encore régulièrement, mais bénévolement, des patients qui sont assez graves. Et c'est vrai que pour ces patients atteints de cancer que je vois, eh bien, malheureusement, je vois bien qu'il y a des stress très importants qui font partie des causes de la maladie. C'est pour ça que nous organisons avec un de mes collègues qui a créé un concept absolument fabuleux en Aragon. Nous voyons 80 malades à peu près pendant 5 jours que nous voyons avec des problèmes de cancer. Nous leur apprenons le pourquoi de leur maladie. Nous leur apprenons à comprendre leur traitement, à arrêter les traitements qui sont inutiles, à accepter certains qu'il faut faire. Je vais faire une lettre prochainement là-dessus pour informer les gens, parce que l'information aujourd'hui qui passe dans les grands médias, ben, c'est une information qui est manipulée parce qu'elle est sponsorisée. Vous comprenez ? Et oui, les intérêts financiers sont derrière. Professeur... Tout à fait. Ah oui. Le prix qui est derrière, tout ça, bien sûr. Professeur Joyeux, au niveau, là dernièrement, moi je me suis intéressé à l'épigénétique, et en fait, c'est une science qui est en train de se développer, des recherches qui sont en train de se développer, comme quoi le cancer, le côté, génétique, transmission génétique, des possibilités de cancer, et éventuellement en amont, détecter les personnes qui pourraient éventuellement être potentiellement. Qu'en pensez-vous ? Non, alors, d'abord, il faut bien expliquer ce que c'est que l'épigénétique. Évidemment, dans le mot épigénétique, vous entendez qu'il y a génétique. Alors, la génétique, c'est j'ai les yeux bleus, je suis né avec les yeux bleus et je mourrai avec les yeux bleus. Ça, c'est la génétique de mon papa et de ma maman. Oui. Ensuite, vous avez la génétique qu'on peut appeler aussi la génétique du cancer. Par exemple, vous avez à peu près 8 à 10% des femmes atteintes de cancer du sein qui sont porteuses du gène, il y en a deux, de gènes au pluriel, du cancer du sein. Ces personnes-là ont des risques de cancer du sein plus forts que les autres. Bon. Mais ces risques de cancer du sein qui sont plus forts que les autres, ils ne s'expriment que dans la mesure où on va, entre guillemets, aider le gène à s'exprimer. Bon. Par exemple, je suis porteur, et vous certainement comme moi, du gène du cancer du poumon. Bon, eh ben, si je veux faire un cancer du poumon, je vais fumer. Bon, je vais vivre dans une atmosphère complètement délétère au niveau respiratoire. Vous voyez ? Bon, et c'est ça l'épigénétique. C'est-à-dire ce qui fait que ça va déclencher la mobilisation de gènes. Oui. Ces gènes, en général, ce sont des mutations génétiques qui peuvent être soit sur un gène dont je suis porteur et qui est un gène, si vous voulez, passé de manière héréditaire, ou bien qui va être une modification génétique d'une cellule qui se met à chahuter parce que je lui ai apporté par l'épigénétique une mauvaise alimentation, une mauvaise respiration, des médicaments qui sont absolument dangereux, parce qu'il y en a, hein, qui peuvent créer une réduction d'immunité importante. Vous voyez ? Donc, tout cela, l'épigénétique, c'est l'environnement de la maladie qui peut amener les causes, il n'y en a pas qu'une, les causes des différentes maladies. Plus un cocktail aussi, etc. Une interférence sur les différentes causes aussi ? Une interférence, un cocktail, un peu comme à l'image c'est du cocktail. C'est exactement un cocktail, vous avez tout à fait raison, un cocktail d'éléments qui vont déclencher, si vous voulez, la multiplication de cellules qui reçoivent un message au niveau de leur noyau, au niveau de l'ADN, et ce message fait que ces cellules, au lieu de mourir naturellement, hein, c'est-à-dire une cellule, par exemple, comme un globule blanc, ça meurt au 7e jour. Ça veut dire que 7 jours après, elle a fini sa vie, ça s'appelle l'apoptose. J'ai des collègues qui parlent du suicide de la cellule, c'est pas du tout le suicide de la cellule. Le suicide de la cellule, ça serait une cellule qui, au lieu de mourir au 7e jour, meurt au 3e. Vous voyez ? Ah bon ? Bon. Ouais. Par contre, si elle meurt au 15e jour, à ce moment-là, elle vit trop longtemps et ça vous fait une leucémie. Vous comprenez ? D'accord. C'est ça qu'il faut arriver à faire comprendre. Mais les cellules de votre foie, eh bien, elles vivent une année. Si elles se mettent à vivre 3 mois, ça veut dire qu'elles se suicident au 3e mois alors qu'elles sont faites pour vivre une année, ce qui n'est pas la même chose. Et tout ça, ce sont des notions importantes. Notre corps est un amoncellement de cellules vivantes qui se multiplient sans cesse à des rythmes différents. Ça, c'est très important à faire comprendre. Ce que je vous propose, professeur, on arrive à déjà la demi-heure de notre émission. C'est qu'on fasse une courte pause musicale et on se retrouve juste après ceci. À tout de suite. décevant. Quand rien n'est à sa place, pas même moi. Quand tout me lasse, quand tout est dégueulasse, quand rien ne vaut la peine, pas même moi. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et ces bêtes, mais j'envie leur beauté muette. Quand les faits divers me donnent des insomnies, je cherche un sens à ma longue errance, que rien ne me soulage, rien ne me séduit. Je pense aux fleurs qui sont parfaites, qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et c'est belle. Nous sommes de retour sur le plateau de notre magazine Libre-Échange. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir en ligne le professeur Henri Joyeux, qui également a écrit beaucoup d'ouvrages, notamment « Changer d'alimentation », sur les vaccins, le chocolat et la chirurgie, les abeilles et la chirurgie, la pilule contraceptive, sur les maladies d'Alzheimer, sur le thym et la chirurgie, le thym et le chirurgien. Donc, on peut retrouver toutes ces informations sur le site du professeur Joyeux, www.professeur-joyeux.com. Professeur Joyeux, pour revenir, on a parlé tout à l'heure de l'épigénétique, mais aujourd'hui, on voit se développer l'oncogénétique, qui est une science aussi, qui, recherche un petit peu, au niveau génétique, les risques de cancer. Un sujet important. Dans le domaine, par exemple, du cancer du sein, il y a deux gènes, l'un qu'on appelle BRCA1. Alors BR, ça vient du mot anglais qui veut dire breast. Breast, c'est le sein. CA, cancer, et 1. Bon, ça, c'est le gène numéro 1 du cancer du sein. Et une femme qui est porteuse de ce gène, elle a 80% de risque de faire un cancer du sein entre l'âge de grosso modo 30 et 80 ans. Bon, mais c'est pas parce qu'elle est porteuse de ce gène qu'elle va faire ce cancer. Il faut qu'il y ait des éléments, nous l'avons dit tout à l'heure, d'épigénétique pour que cela se déclenche. Ensuite, vous avez le deuxième, j'avais BRCA2. BRCA2, Breast, CA, donc Breast le sein, CA cancer, 2, le deuxième gène. Celui-là, disons qu'une femme qui est porteuse de ce gène a à peu près 50%, 45 à 50% de risque de faire un cancer du sein, mais aussi de faire un cancer de l'ovaire. Vous voyez ? Donc là, on a des données. Nous avons également des données sur un certain nombre de gènes dans les cancers du côlon. Bon, il y a également un gène pour le cancer de l'estomac. C'est un nombre de personnes très faible. D'abord, ça, c'est important à dire à vos auditeurs, oui, de façon à ne pas les inquiéter. Mais vous pouvez parfaitement fabriquer ou vous fabriquer un cancer à l'estomac sans avoir le gène. C'est sûr que si vous avez le gène, je me souviens d'un homme dont le fils avait le gène du cancer du sein qui avait été repéré assez tôt. Il avait été opéré dans d'excellentes conditions par un collègue. Il devait avoir ce fils une trentaine, 35 ans. Et le papa était porteur du gène. Il avait 75 balais. Il était en pleine forme. Et il me dit, ben voilà, moi on me dit qu'il faut m'enlever mon estomac. Alors qu'est-ce que vous me conseillez? Bon, je lui dis, écoutez monsieur, si vous mangez comme votre fils, si vous stimulez votre estomac pour l'irriter, pour faire que le gène oncogène se développe, ah ben, moi, je vous conseille de vous faire enlever votre estomac. Par contre, je peux vous donner des conseils nutritionnels pour apaiser votre estomac, pour caresser votre estomac, pour faire que vous pensiez pensez votre estomac. Je ne vais pas vous donner les médicaments, je vais vous donner à manger de bonnes choses. Je vais vous dire, monsieur, vous avez un palais des saveurs, vous avez un palais de la découverte là-haut, au niveau de votre dentition, au niveau de votre langue, pour que vous goûtiez les aliments, pour que vous puissiez véritablement envoyer dans votre estomac des aliments qui ne vont pas l'irriter. Bon, cet homme, eh ben, il est arrivé à 85 ans, il n'a jamais été opéré, et je pense qu'il est toujours en vie, je ne l'ai pas vu depuis un an ou deux, mais il est toujours en vie et tout va bien, vous voyez. Bon, mais là, le danger, c'est qu'on vous dit, vous êtes porteur du gène, venez vite, on va vous enlever votre estomac. Je pense que là, c'est abusif. Ça veut dire que vous avez certains cancérologues, à mon avis, parmi les plus jeunes, qui sont sans expérience, si vous voulez, par rapport au nombre de malades qu'ils ont pu voir et suivre dans l'évolution, qui sont trop agressifs. Vous voyez ? Alors justement, il y a une personne qui est très public, qui a pratiqué l'ablation du sein carrément, en disant moi je veux pas prendre le risque. On risque de créer une certaine sinistrose, ce que vous disiez à juste titre, au niveau des populations. Et puis quelque part, ça devient mercantile aussi. Ça a été rendu public, c'était Angelina Jolie qui dit, voilà, je suis porteuse du gène, bon, donc je me fais opérer. Et d'après ce que j'ai compris, elle s'est fait opérer, et elle a eu une reconstruction mammaire bilatérale. Bon, très bien, je ne vais pas discuter de cela, mais ce que je peux dire, c'est que je suis des patientes du verbe suivre qui viennent me voir et qui me demandent conseil. Je leur donne des conseils très précis, hein, pour éviter que ce gène ne se développe, et en particulier je vois deux sœurs des frangines qui sont du centre de la France, que je suis, elles sont toutes les deux porteuses, bon je les suis depuis plus d'une dizaine d'années, elles vont très bien, maintenant elles font évidemment attention, c'est-à-dire que je leur ai donné des conseils nutritionnels, je leur ai dit de ne pas prendre d'hormones, parce que ce sont des cancers qui sont extrêmement hormonodépendants, et je suis assez scandalisé quand je vois des collègues qui sont des grands prescripteurs hormonaux, bah, tout simplement parce que vous avez Bayer derrière qui est là pour que toutes les femmes soient aux hormones, qu'elles aient un problème à la ménopause de bouffée de chaleur, qu'elles aient un problème de contraception, et je peux comprendre qu'une femme désire avoir un enfant que quand elle veut vraiment l'avoir, ça je peux le comprendre, mais il n'y a pas que des moyens contraceptifs hormonaux, n'oublions pas que la pilule, c'est un médicament d'une très grande puissance, puisque la dose que l'on prescrit à une femme qu'elle consomme, elle est de 20 à 50 fois la dose fabriquée par ses propres ovaires pour mettre les ovaires au repos. Donc tout ça, c'est pas rien. Vous savez, si toutes les femmes savaient la vérité, c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Si les femmes savaient ». Oui, si les femmes savaient, seulement le problème, c'est que les labos veulent pas qu'elles sachent. Hein. Seulement aujourd'hui, grâce à des émissions radio comme la vôtre, qui sont pas des grandes émissions, mais qui sont quand même pas mal écoutées par le grand public, eh bien, on finit par faire passer les messages. C'est pour ça que je suis content de collaborer avec vous. Merci beaucoup, professeur. Je renouvelle, effectivement. Et alors, justement, ce que vous évoquez, c'est quand même très important, parce que, à l'esprit des personnes, il existe aussi un manque peut-être d'éducation, d'autres moyens contraceptifs, qui sont peut-être aussi, je veux dire, efficaces que la pilule, mais avec moins de danger. Par exemple, la spirale, par exemple, le stérilet, qu'en pensez-vous ? Bah, c'est évident, mais vous savez, là, les laboratoires sont d'une puissance inouïe, et ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait beaucoup de consommatrices. Hein, oui. C'est un premier point. Mais vous remarquerez, et je le dis avec beaucoup de clarté, qu'aujourd'hui, il y a une baisse de la consommation de pilules qui inquiète les labos. Alors, ils le donnent plus sous forme de pilules. Vous savez, j'étais il n'y a pas très longtemps en Afrique, et j'ai été absolument scandalisé, j'étais au Bénin, et qu'est-ce que j'ai observé ? J'ai observé que vous avez des infirmiers qui mettent un petit bâton sous le bras avec une très légère petite piqûre d'anesthésie locale, et ce bâton, c'est en réalité un implant hormonal qui fait que la jeune femme ne peut pas concevoir parce qu'elle prend des hormones, si vous voulez, qui bloquent ses ovaires. Bon, et le jour où elle se rend compte que ce petit bâton l'empêche d'avoir un enfant parce qu'elle se marie, parce que ceci, parce que cela, eh bien à ce moment-là, on lui dit, bah, il faut l'enlever. Mais pour l'enlever, il faut payer. Vous voyez, on le met gratuitement, ah, oui. Pour l'enlever, il faut payer. Ça, c'est un scandale absolu. C'est la forme de néocolonisation que nous avons en Afrique et qui est également présente en Europe. Il faut dire les choses comme elles sont. Et les jeunes femmes se font avoir. Alors, vous avez des stérilés, mais il faut être clair là-dessus. Vous avez un stérilé hormonal. Bon, il s'appelle Mirena, les femmes le savent, il vaut 124 euros. Et puis vous avez un autre stérilé qui vaut 24 euros, qui est extrêmement efficace, voilà. Et on vous propose, évidemment, le stérilé hormonal à 124 euros. D'autant plus que ce stérilé hormonal, il contient donc des hormones, et que ces hormones, eh bien, elles réduisent le flux, si vous voulez, des règles, et vous avez des femmes qui se retrouvent en disant, ben voilà, j'ai plus de règles. Bon, alors, au début, elles sont un peu inquiètes quand on les avertit pas, elles disent, est-ce que je suis enceinte ou pas? Et puis après, on dit, mais non, vous n'êtes pas enceinte, c'est que vous avez un stérilet hormonal qui fait que... Seulement, ce stérilet hormonal, est-ce qu'il est sans danger? Certainement pas. Certainement pas. Ce sont des hormones qui circulent à des doses importantes dans le corps, et que ce stérilet, on le mette pour une année ou deux ans, moi je veux bien, mais pas sur de longues périodes de temps. Or les labos, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y en ait le maximum, que les femmes en soient porteuses, parce que je vais vous dire, il y a un business monumental avec ça. Voyez. Donc là encore, on a besoin d'informer, d'informer, d'informer, et je ne cesse de donner des conférences ou d'informer par mon site internet, par des lettres que je fais pratiquement toutes les semaines dans ce but-là. Voilà, je rappelle votre site internet sur lequel justement on retrouve toutes ces informations, www.professeur-joyeux.com. Professeur Joyeux, il y a une chose qui me vient aussi à l'esprit, c'est que en fait, quand on apprend, je reviens un petit peu par rapport à votre spécialité, les cancers. Aujourd'hui, bon nombre de personnes, moi je vois dans mon entourage, leurs grandes inquiétudes entre le sida, le cancer, les maladies cardiovasculaires, les gens ne vivent plus. Et notamment le cancer. Et la grande crainte des personnes, c'est d'apprendre qu'elles ont un cancer, parce que tout de suite, cancer est lié à l'image, je veux dire, c'est la mort, c'est la fin. Justement, vous avez rédigé un ouvrage qui s'appelle « Guérir enfin du cancer, oser dire quand et comment ». Justement, quel est, parce que bien souvent, on voit les patients... Dans mon master que je viens de faire, mon dernier master, on en parlait justement dans le cadre de TP et aussi de l'accès aux soins, c'est que souvent le patient n'est pas mis au centre des intérêts de la médecine, si je peux dire. Et bien souvent, et le langage utilisé, c'est un langage, je veux dire, que le patient ne comprend pas, qui n'est pas décrypté. Justement, pour vous, quelle est votre position par rapport à ça, professeur? Qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, je pense que le grand public n'est pas du tout idiot et que les neurones que les hommes et les femmes de ce temps possèdent fonctionnent très bien et que... par l'information qui est donnée par les grands médias et par les médias sociaux associés, je pense que l'information passe et que les gens ont une connaissance scientifique aujourd'hui supérieure à celle qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors, encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils reçoivent la bonne information. Et je vais vous donner un exemple qui est assez concret. Il n'y a pas très longtemps, une femme me dit, voilà, professeur, vous dites que vous consommez de la gelée royale. C'est exact, au petit déjeuner, pendant l'hiver, pendant toute la période un peu délicate, je prends la gelée royale, c'est-à-dire une énergie vitale où il y a du miel, de la propolis, la gelée royale, du ginseng, de la papaye, de la zérola. C'est vrai. Elle me dit, mais vous dites qu'il ne faut pas prendre de la gelée royale quand on a un cancer. Oui, c'est vrai. Et j'explique effectivement que dans la gelée royale, il y a un facteur R, un facteur régénération, qu'on appelle encore la royale lactine, et que ce facteur, si vous avez des cellules cancéreuses dans le corps, il risque de les stimuler pour faire des petits. Bon, donc c'est pas une bonne idée. Bon. Alors, elle me dit donc, puisque vous prenez de la gelée royale, vous n'avez pas de cancer. Vous en êtes sûr ? Point d'interrogation. C'est une question très intelligente. Oui. Réponse est non, madame, je n'en suis pas sûr. Mais ma réponse, elle est, madame, je n'en suis pas sûr, mais je fais tout pour ne pas avoir des cellules cancéreuses qui se multiplient. Vous comprenez ? Alors, comme je mange, je pense correctement grâce à mon épouse et aux choix que nous faisons lorsque nous sommes invités ou lorsque nous sommes au restaurant comme tout le monde, grâce à ces choses-là, bien, déjà, je fais attention. D'autre part, je fais du sport. Je fais du sport, ça veut dire que je transpire régulièrement et qu'en transpirant, j'élimine les pesticides que je peux respirer sans le vouloir, que je peux consommer sans le vouloir. Vous voyez ? Donc, j'ai des comportements et c'est là que nous touchons à des points clés de la vie quotidienne, c'est qu'il y a des comportements qui sont bons pour la santé et puis il y a des comportements qui sont délétères. Quand je suis dans une rue et qu'il y a un fumeur qui est derrière moi ou devant moi et qui m'enfume, je change de trottoir. Voyez ? Bon, quand je suis dans une réunion où il y a un fumeur, je lui demande d'éteindre sa cigarette ou je lui demande de sortir. Bon, je parle là de ce que je respire. Mais c'est vrai pour tout le reste, l'alimentation, etc. Bon, et l'activité physique, et puis le stress dont nous avons parlé. Donc, il y a des comportements qui peuvent vous conduire au cancer. C'est pour ça qu'il m'arrive, en m'amusant, si vous voulez, mais ça réveille les gens, de dire en conférence, voulez-vous un cancer ? Alors ça réveille les gens. Ils nous proposent un cancer. Lequel voulez-vous, madame ? Lequel voulez-vous, monsieur ? Alors croyez-moi que ça fait réfléchir. Oui. Si je dis lequel voulez-vous, c'est que peut-être je puis expliquer comment l'avoir. Et ça, c'est des patients qui me l'ont eux-mêmes expliqué. J'ai dit, mais pourquoi vous voulez savoir ? Ben parce que si vous nous expliquez bien comment l'avoir, nous saurons bien comment pas l'avoir. C'est une démarche de l'intelligence, voyez-vous. Absolument. Alors, il y a une chose qui est quand même, moi je trouve, qui est très paradoxale, professeur, c'est qu'aujourd'hui, bah, on voit par exemple dans le monde 50% des denrées alimentaires, je voulais le préciser là à nos auditrices et auditeurs, sont gaspillées. Il y a un gaspillage incommensurable. Comment ? Il y a un gaspillage énorme, vous avez énorme. Raison. Oui, voilà, incommensurable, c'est énorme, c'est affreux. Et d'un autre côté, les recommandations disent qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Oui. Les gens n'ont pas les moyens, je veux dire, enfin, on voit, et un réflexe d'aller vers une alimentation. On privilégie le budget plus, je veux dire, pour les loisirs, pour, je veux dire, les matériels informatiques, électroniques et autres, que l'alimentation, et on va chercher des aliments pas chers. Alors, il y a quand même un paradoxe qui est là. Il y a une éducation nécessaire à faire. Vous avez aussi des gens qui ont un petit jardin, pas très grand, mais pour lequel ils pourraient faire pousser les tomates, les haricots, les petits pois. Bon, maintenant, il y en a qui commencent à s'y mettre, mais là est la clé. Vous voyez ? Et donc, c'est vrai aussi que vous avez les supermarchés, les hypermarchés, tout ce que vous voudrez, et que les gens se précipitent là. Quand vous voyez un samedi, vous passez pas loin d'un supermarché, mais vous avez des milliers de bagnoles. Les gens, ils viennent faire le marché de la semaine. Bon. Et si jamais il reste des choses dans le frigo, ils jettent tout, parce que c'est plus ou moins périmé, et puis on rachète. Donc, effectivement, vous avez un gaspillage qui est colossal. Et ce gaspillage, qu'est-ce qui nous démontre ? Il nous démontre que notre société, sur ces points-là, elle est malade. Nous sommes malades, à la fois en nous consommant des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. On va chercher une nutrition industrielle. Vous savez que le chiffre d'affaires, par exemple, de l'industrie agroalimentaire est nettement supérieur au chiffre d'affaires de l'automobile ? Oui. Et l'automobile, quand vous achetez une bagnole, ça coûte cher. Oui. Bon, eh bien, le chiffre d'affaires de l'industrie agroalimentaire est nettement supérieur. Ouais. Bon, donc, je crois qu'il faut que nous revenions, non pas au siècle dernier, c'est pas cela, mais il faut que nous revenions à un peu de sagesse. Et cette sagesse, c'est, comme le dit très bien Pierre Rabhi, la sobriété. On peut être parfaitement heureux dans la sobriété. Avoir un surpoids, c'est une aberration. Vous avez le foie gras comme une noix, et une noix qui a un beau foie gras, on va la sacrifier pour la consommer à Noël avec un petit coup de sauterne. Vous voyez ? Bon, et là je suis d'accord. Mais vous savez quelle est la pathologie la plus fréquente aujourd'hui dans la société occidentale ? c'est le foie gras. Ça s'appelle l'hépatopathie stéatosique, c'est-à-dire, en un mot, le foie gras. Quand les gens ont le foie gras, ils sont fatigués. Après un repas, eh bien, ils ont la tête qui tombe, il leur faut une sieste. Et comme ils sont fatigués, il leur faut du biscuit, il leur faut du whisky, de l'alcool, des sucres. Et plus vous multipliez la consommation, plus vous abîmez. Savez-vous qu'aux États-Unis, le diabète de type 3, vous avez trois types de diabète. Le 1, d'origine plus ou moins génétique. Le 2, c'est la bouffe, la surbouffe. Et le 3, c'est quoi? C'est l'Alzheimer. Voilà. Alors, on n'ose pas trop le dire aux États-Unis, donc ils parlent de diabète de type 3. Mais ça, c'est un jargon médical. Moi, je préfère dire non. Ça s'appelle diabète de type 3. C'est la consommation excessive de sucre qui vous conduit à avoir un cerveau alzheimérien. Effectivement, donc ça interpelle les esprits. Bien sûr. Alors, justement, professeur, au travers de vos ouvrages, vous parlez changer d'alimentation, vous parlez beaucoup d'alimentation, le thym, comme on l'a vu tout à l'heure, et le chirurgien, et les vertus. Quelles sont vos recommandations, professeur? D'abord, je vais vous dire, d'une manière globale, il faut augmenter le végétal. Je ne dis pas qu'il faut devenir végétalien. Vous savez, les talibans du végétal qui refusent de prendre du miel parce que ça vient d'une abeille, qui refusent de prendre un œuf parce que ça vient d'une poule, ou un morceau de fromage de chèvre ou de brebis parce que ça vient d'une chèvre ou d'une brebis. Bon, tout ça, c'est abusif. Je pense que ce qu'il faut, c'est avoir un équilibre qui est le suivant. 70 à 80% de produits végétaux, des fruits, des légumes, des légumineuses, des céréales, voyez. Mais attention à la cuisson, ça c'est un sujet majeur. Ma femme est surtout spécialisée dans ce domaine-là parce que j'ai fait beaucoup de travaux dans mon laboratoire de recherche dans les années 90 à l'an 2000. Et puis, vous avez la consommation des produits animaux, et là il faut viser le deux pattes et laisser le quatre pattes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre un bon charolais de temps en temps, mais la viande rouge, une fois par semaine, ça suffit. Vous voyez, et les 3 à 4 produits laitiers d'aujourd'hui, c'est totalement abusif. Par jour, c'est totalement abusif. C'est 3 à 4 produits laitiers par semaine. Vous voyez, moi personnellement, je prends un produit laitier, disons, 2 fois par semaine. Ça suffit largement. Par contre, il faut aller vers un calcium d'origine végétale, les amandes, les noisettes, les noix, les fruits, les légumes. Vous avez du calcium dans tous les fruits. Vous avez du calcium dans tous les végétaux. Oui, ça c'est très important à savoir. Voilà les belles recommandations. Alors, j'ai vu aussi sur votre site, professeur, www.professeur-joyeux.com, vous parlez également, justement, on va venir sur les vaccins. Parce que là, vous faites un manifeste contre les vaccins, d'ailleurs soutenu. Vaccins abusifs, attention. Vaccins abusifs. On m'a fait passer pour un anti-vaccin, ça m'a fait des problèmes avec le Conseil de l'Ordre. J'ai écrit un bouquin, mais beaucoup de mes collègues m'ont attaqué sans même lire le livre que j'ai écrit. Et pourquoi j'ai écrit un livre? C'était justement pour informer les famille sur les abus. Et ce bouquin s'appelle « Vaccin, comment s'y retrouver ?» Pourquoi? Parce que la vaccination, c'est une véritable forêt vierge. Ah oui. Dans une forêt vierge, ben, on se pomme facilement. Bon, donc j'ai écrit un bouquin pour aider les familles à y voir clair. Exemple, le ROR, c'est-à-dire le vaccin triple contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Je suis pour. Il n'y a pas d'aluminium dedans, il n'y a aucun problème. Mais pas avant, au moins une année et demie. Mais si votre petit attrape la rougeole, il n'y a pas de souci. Un gosse qui attrape la rougeole, il va être vacciné à vie. Si par contre vous vaccinez cet enfant, bon, je ne suis pas contre encore une fois de le vacciner, eh bien, surtout s'il y a une épidémie, à ce moment-là vous le vaccinez et le vaccin il va tenir pour une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'il faut le revacciner à 21 ou 22 ans. Vous voyez? Alors que s'il a attrapé la rougeole, il est vacciné à vie. Moi j'ai eu la rougeole, je n'ai pas besoin de me faire vacciner, j'ai les anticorps de façon définitive. Bon, tout ça, si vous voulez, il faut l'expliquer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu créer une loi, bon, une loi qui impose. Ça, c'est très dangereux. Une loi qui impose, en nous faisant croire qu'on va faire disparaître des maladies, là, il faut faire attention. D'abord, la rougeole n'est pas la variole. La poliomyélite n'est pas... Bon, il y avait 3 vaccins, diphtérie, tétanos, polio. Je suis à fond pour. Je suis à fond pour ces 3 vaccins. Pourquoi on les a fait disparaître? Parce qu'on en a ajouté 3 autres, dont l'hépatite B. Alors, l'hépatite B, c'est une maladie que vous pouvez attraper si vous vous droguez, si vous multipliez les partenaires et qui peuvent vous passer l'un ou l'autre le virus de l'hépatite B. Si vous êtes dans mon métier de chirurgien, moi j'ai fait une hépatite B en tant que chirurgien, puisque le vaccin à l'époque n'existait pas. Bon, très bien, maintenant il existe, et si je devais être un jeune chirurgien, je me ferai vacciner contre l'hépatite B. Vous voyez, c'est une évidence. Par contre, on vaccine un gosse à 2 mois contre l'hépatite B, et vous savez l'argument qu'on donne, je l'ai lu par des collègues, c'est que les gosses, ils se mordent à la crèche. Mais attendez, on se fout du monde ou quoi? Les gosses, ils se mordent à la crèche. Donc un petit qui va mordre un autre petit, bon, on peut imaginer que l'un est porteur du virus de l'hépatite B, il mord son petit copain ou sa petite copine, et donc il va lui passer le virus contre l'hépatite B. D'où, à partir de ce moment-là, il faut vacciner tout le monde. Non, mais on se moque du monde, là, vous voyez? Alors, attention, il y a une loi. Bon, le problème, c'est qu'il faut respecter la loi. Bon, mais la loi, qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle vous dit qu'il faut qu'il soit vacciné avant 2 ans. Bon, alors, quel est le meilleur vaccin avant 2 ans? C'est l'allaitement maternel. Avez-vous vu une radio, une publicité qui fait de la publicité pour l'allaitement maternel? Eh non, bien au contraire. Bien au contraire. Bien sûr, c'est l'inverse. Il y a de plus en plus de femmes qui... un lait de croissance. Oui, c'est ça, ouais. Ah, parce que derrière, il y a encore les intérêts financiers qui sont derrière. Alors, que pensez-vous, justement, là? Parce qu'aujourd'hui, il y a un cocktail. Bon, il y a eu le problème avec l'aluminium dans les vaccins. Moi, j'ai dit très simplement qu'il faut... La dose d'aluminium que l'on injecte à un enfant, par rapport à son poids, elle est énorme. Hein. C'est-à-dire que ce sont des doses d'aluminium qui sont 7. On a fait des calculs très précis avec des collègues, dont des collègues hyper spécialisés dans le domaine de l'aluminium. Et la dose qui est administrée à un enfant de 2 mois, donc avant 1 an, si vous voulez, c'est 7 à 17 fois la dose toxique. Oui, effectivement. Vous comprenez? Et oui. Donc, ce n'est pas admissible. Moi, je ne peux pas considérer que mon petit-fils ou ma petite-fille, on puisse le vacciner de cette façon. Donc, ça veut dire vaccin sans aluminium, OK, il y en a. Et puis, vaccin avec aluminium, nous demandons au laboratoire pharmaceutique, je ne suis pas tout seul, puisque le professeur Montagnier, qui est prix Nobel de médecine dans le domaine de la virologie, qui a été un pasteurien, donc qui est de l'Institut Pasteur, qui connaît le sujet bien mieux que moi encore, il vous dit non, pas d'aluminium dans les vaccins. C'est une certitude. Et puis, attention de ne pas vacciner trop tôt ses enfants. Justement, le professeur, je voulais le rappeler, Montagnier, qui soutient les actions que vous menez, et notamment là. Tout le monde peut aller le voir. Il est à la fois pour les professionnels de santé. Il y en a près de 8700, je crois, qui l'ont signé. Et vous avez un appel pour le grand public qui est extrêmement complet. Moi, je pense qu'il faut ne pas avoir peur de le lire de manière détaillée. Il y a les références scientifiques. Ensuite, on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Et si on est d'accord, on le signe. Et il y a près de 50 000 personnes déjà qui l'ont signé. Effectivement. Alors justement, que pensez-vous, professeur Montagnier, professeur Joyeux, pardon. Le vaccin, aujourd'hui, on a une vaccination avec 11 vaccins en une seule injection. Non. Alors, c'est pas 11 vaccins avec une seule injection. D'abord, vous en avez 6 avec une seule. C'est ça? C'est DTP, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus et hépatite B. Ça, c'est une injection. C'est les 6 premiers. Ensuite, vous avez le pneumocoque, il y en a un. Ensuite, vous avez le ROR, ça en fait un autre, vous voyez. Donc 6 et 3, 9. 9 et 1, 10. Il en manque un 11e, c'est la méningite. Voilà. Donc vous avez une piqûre pour les 6, une piqûre pour le pneumocoque, une piqûre pour le pneumocoque et une piqûre pour le ROR. Ça vous fait 4 piqûres. Alors, elles ne sont pas toutes faites en même temps. Il y a un temps, tout ça est dit dans ce qu'on appelle le carnet de vaccination. Mais très honnêtement, ce carnet de vaccination, je pense qu'il va falloir le revoir prochainement quand on aura tous les éléments concernant en particulier les excès d'aluminium dont j'ai parlé. Professeur Joyeux, nous arrivons à la fin de notre émission. Alors, s'il y avait une dernière recommandation à faire, ça serait laquelle, professeur? Moi, je dirais, comprenez votre système immunitaire. Ce système immunitaire, je l'ai expliqué d'une manière, je pense, vraiment claire et grand public, en me faisant corriger par des gens candides, c'est-à-dire par des gens qui ne sont pas dans le cadre de la médecine, de telle façon à ce que ça soit à la fois scientifique, juste sur le plan scientifique, et que ça soit compréhensible par tout le monde, et que ça ne soit pas attaquable sur le plan scientifique. C'est mon dernier bouquin qui s'appelle « Manger mieux et meilleur de 0 à 100 ans ». Que je recommande, donc le site internet www.professeur-joyeux.com. Merci beaucoup, professeur, pour m'avoir consacré tout ce temps-là. À très bientôt. À très bientôt, au revoir, professeur. Libre-échange, Sylvain Blondin.